François Rouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'études développement du loisir pêche pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et avec vous donc tout cet été, on vous retrouve pour nous parler de la pêche. On a vu un peu de la réglementation, on a redécouvert un peu ce loisir. Et là, on va s'intéresser donc au brochet, à un carnassier. C'est ça. Si je ne me trompe. C'est ça, un poisson carnassier. C'est un petit peu le poisson emblématique, hein, le poisson roi de nos rivières. Pourquoi ? Parce qu'il peut devenir déjà gros. Les plus gros brochets qui sont pris, c'est 1m30, 25 kg. Donc c'est un bon bébé, ça déjà. Ouais. Un beau gros poisson. C'est assez joli. Ça a une très belle robe verte, marbrée de bronze, de jaune. Et puis c'est un poisson carnassier. Donc c'est un poisson qui chasse. Donc les pêcheurs aiment bien ce poisson. En fait, comment il vit le brochet ? Il utilise la végétation aquatique pour se dissimuler, justement, avec sa robe. Il se cache dans les herbes aquatiques. Et il accélère, il a une nageoire en fait dorsale qui est très en arrière de son corps, ce qui lui permet d'avoir une capacité d'accélération assez impressionnante. Et il fond littéralement sur ses poids pour les manger. Quoi. Où est-ce qu'on le trouve ? Dans les étangs ou dans les rivières ? On le trouve un petit peu partout, dans les étangs, les rivières, il y en a aussi un petit peu dans les canaux. Il faut savoir que c'est une espèce quand même qui est menacée, le brochet, parce que ses zones de reproduction disparaissent avec l'urbanisation, le remendrement des rivières, l'artificialisation un petit peu des berges. Pourquoi ? Parce que le brochet, en fait, pour se reproduire, il a besoin de zones inondées. C'est-à-dire qu'il se reproduit à une période, en février-mars, où les eaux des rivières sont hautes, il a plu l'hiver. Du coup, c'est sans être des vrais crus, les eaux sont hautes, donc ça inonde un petit peu les prairies, les bras morts, etc. Et c'est là-dedans qu'il se reproduit. Sauf qu'il y en a de moins en moins, où les crus ont des oscillations de plus en plus importantes. Et du coup, il a un petit peu de mal à se reproduire naturellement. Alors à la Fédération, on a lancé une étude et on fait un vaste programme de restauration de ces zones de reproduction naturelles pour justement lui permettre d'avoir des conditions de reproduction meilleures en fait, chez nous et pour... finalement développer aussi la pêche de loisirs, mais aussi protéger le milieu aquatique et donner aussi aux autres espèces qui l'accompagnent des conditions de vie un petit peu meilleures. On essaye. Donc on a l'effet inverse, on redonne un côté sauvage à certaines berges. En fait, c'est ça, voilà, tout à fait. Les travaux sont présentés un petit peu sur notre site internet pêche-54.fr, vous pourrez aller voir ça. On peut parler des techniques de pêche. Exactement, j'allais y venir. Voilà, justement. Donc c'est un poisson qui est apprécié des pêcheurs. Alors on peut le pêcher à plusieurs techniques. Hein. On peut citer la pêche au leurre artificielle, notamment, une canne avec un moulinet. Et on peut pêcher avec plusieurs types de leurres, hein, poisson nageur, cuillère, leurre souple. C'est ce qu'on appelle après des spinnerbait. Enfin voilà, on a tout. C'est très technique tout ça. Voilà, c'est assez. C'est très physique aussi. À la fois, c'est pêche, assez technique. Aussi. C'est une pêche qui est active, c'est-à-dire que la pêche au leurre, effectivement, on est sans arrêt en train de lancer, de se déplacer, on a un sac à dos et c'est pas une pêche statique. On peut le pêcher en statique aussi, le brochet. Mais voilà, la pêche au leurre, c'est vrai que c'est une pêche, au-delà d'être physique, au moins active. Mmh. Et on peut pêcher au poisson mort-manié aussi, c'est-à-dire qu'on a une monture spéciale, on accroche un vrai poisson dessus, et c'est pareil, un petit peu comme un leurre, du coup, on lance ça dans l'eau, et en l'animant, on essaye de lui donner un petit peu vie, d'imiter un petit poisson blessé. On peut pêcher aussi au vif, donc ça c'est une pêche généralement qui est statique, c'est-à-dire qu'on pêche avec un petit poisson vivant, avec un bouchon, et puis on attend que le brochet mange ce petit poisson-là, notre appât. Voilà, on détecte la touche visuellement quand le bouchon plonge, un petit peu comme la pêche au cou. Une dernière technique que je peux vous présenter aussi, qui est un petit peu plus, on va dire, funky, c'est la pêche au streamer. En fait, c'est de la pêche à la mouche, mais avec donc du matériel adéquat pour le brochet. Donc on lance alors ça n'a plus de mouche que le nom, puisque ce qu'on appelle ça un streamer, ça imite un petit poisson, c'est un hameçon qui est habillé de plumes et de poils que les pêcheurs montent eux-mêmes. Et on lance ça, en fait, on propulse ça grâce à une ligne spéciale qui est appelée soie, et une canne et un moulinet spécial. C'est, voilà, mais c'est un petit peu plus fin, c'est rigolo. Juste un mot, revenir sur la réglementation. Oui. On ne peut pas le pêcher toute l'année. Voilà, on ne peut pas le pêcher toute l'année. Donc la pêche du brochet, en fait, elle est fermée de fin janvier, du dernier dimanche de janvier au 1er mai, justement, lors de sa période de reproduction, pour le laisser un petit peu tranquille. Il existe aussi une taille légale de capture qui est de 50 cm en Meurthe-et-Moselle. Donc si vous prenez un brochet de moins de 50 cm, vous êtes obligé de le remettre à l'eau. Alors pourquoi cette taille ? Il y a une raison certainement ? C'est justement parce que 50 cm, c'est à peu près la taille à laquelle il s'est déjà reproduit. C'est pour en fait permettre à des poissons de se reproduire au moins une fois avant d'être éventuellement prélevés par les pêcheurs. Et la durée de vie d'un brochet, c'est quoi? Oh, c'est une bonne question, ça. Question piège. Je pense que oui, question piège. Une bonne douzaine d'années pour les gros. Ça dépend s'il croise un pêcheur sur sa route. C'est ça. Mais après, on peut le remettre dans l'eau aussi. C'est pas parce qu'il fait plus de 50 cm qu'on est obligé de le conserver. Évidemment, il y a maintenant une pratique de no-kill, on appelle ça, donc ne pas tuer, qui se fait de plus en plus. Hein, et les pêcheurs, en fait, prennent le poisson. On fait une petite photo avec le téléphone, on met ça sur Facebook, on partage avec ses amis et puis on remet le poisson dans l'eau. Ça permet déjà qu'il se reproduise éventuellement une deuxième fois. Et puis pourquoi pas même qu'un autre pêcheur le capture. Ça c'est très courant, ça s'est déjà vu et c'est deux fois plus de plaisir. Et puis le poisson, il survit. Exactement, et il grandit. Et il grandit. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci. Pour plus d'informations, téléphonez au 03 83 56 27 44 ou sur le site www.pêche-54.fr.